Depuis que l'on s'occupe un peu plus des problèmes de pollution, et en particulier de celles liées au transport, les préfets peuvent mettre en place des limitations de vitesse quand les normes de pollution sont dépassées ou sur le point de l'être. Ces limitations sont de vraies limitations, et elles prennent le pas sur les règles générales. Ici, la vitesse est limitée à 110 km/h. Même si je circule sur autoroute, je n'ai en aucune façon le droit de dépasser cette vitesse, même pour effectuer un dépassement. Réponse A et C.